Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Marguerite Duras, une vie d'écriture. Je veux dire qu'on ne fait jamais un livre seul. C'est à partir d'une énorme expérience de l'autre qu'on fait un livre. C'est jamais l'inspiration dans la forêt, vous comprenez? L'inspiration dans la forêt, elle vient après 20 ans d'une vie communautaire. Vous n'y pouvez rien. On vous a parlé, vous avez entendu, vous avez lu, et vous écrivez ensuite. Marguerite Duras, à l'émission Femmes d'aujourd'hui en mars 1968, vivre pour écrire, écrire pour vivre. La formule résume assez bien, je pense, car présenter l'écriture pour Marguerite Duras, figure majeure de la littérature au 20e siècle, prix Goncourt en 1984 pour son roman L'Amant. Marguerite Duras va aussi écrire pour le théâtre, pour le cinéma. C'est elle qui va signer le scénario du film d'Alain René, Hiroshima, mon amour, avant de passer elle-même à la réalisation. Est-ce que votre vie se confond avec votre cinéma et vos livres, Marguerite Duras? Oh, complètement. J'ai l'impression qu'il ne m'arrive rien que d'écrire. Même un amour que je peux vivre, il est dans l'écrit. C'est très impressionnant parce que on se demande ce que c'est que ça, cette fonction bizarre d'écrire, de doubler sa vie. De doubler sa vie de A à Z par de l'écrit. Marguerite Duras, qu'est-ce qui vous a amené à écrire? La lecture. Et tout le monde n'écrit pas? Tous les lecteurs sont des écrivains en puissance. Lire et écrire, vous savez, ce sont deux activités très très proches. Et comment est-ce qu'un écrivain se met à faire un film? Dans le dégoût de l'écriture. Pour aller plus loin? Pour sortir du rôle privilégié de l'écrivain. Sur la musique du film India Song, un film de Marguerite Duras, vous l'entendiez, Marguerite Duras répondre aux questions de Suzanne Giguère à l'émission Les Belles Heures en 1985, puis à celle de Nina Sutton à l'émission Femmes d'aujourd'hui en 1973, pour nous présenter cette incontournable figure de la littérature française au 20e siècle qu'est Marguerite Duras. Je reçois l'auteur, journaliste littéraire Daniel Lorrain, qui a signé l'ouvrage Duras, L'Impossible, qui a dirigé aussi Lettres à Marguerite Duras. Daniel Lorrain, bonjour. Bonjour. Bienvenue Jacques. À l'émission. Merci. Vous avez consacré deux ouvrages donc à Marguerite Duras. Pourquoi? D'où vient cet attachement, cette fascination, Daniel Lorrain, pour elle? En fait, je l'ai découverte à l'âge de 19 ans. J'étais en peine d'amour, complètement déprimée. Et il y a une amie qui m'a prêté son livre « Le ravissement de l'Olvestein ». Et dans ce livre-là, c'est une jeune femme dans un bal qui se fait ravir son amoureux. Et j'étais à peu près dans le même état. Ouais. Et quand j'ai lu ce livre-là, j'avais l'impression que ça avait vraiment été écrit pour moi, que Duras mettait des mots sur quelque chose que moi, je n'arrivais pas à exprimer avec des mots. Et là, je suis tombée en amour avec l'œuvre de Duras. Franchement, j'ai presque tout lu. Ouais. Je suis allée sur ses traces en France, partout où elle a vécu. Je suis allée sur ses traces au Vietnam. J'ai pris le bac qui traverse le Mékong pour refaire ce dont elle parle dans L'Amant. Donc, j'ai vraiment vécu, si vous voulez, une passion Duras. Et c'est pour ça qu'ensuite, j'ai voulu écrire mon livre Duras, l'impossible. Ouais. Un peu comme si je voulais payer ma dette à Duras parce qu'elle avait changé ma vie. Donc, on comprend l'impact qu'elle a eu pour vous. Pour nous tous, pour ceux qui, peut-être, la connaissent pas encore, Marguerite Duras, pourquoi faut-il la connaître? De quelle manière elle est importante en littérature? Bien, c'est vraiment une des figures les plus importantes parmi les écrivains du 20e siècle, je dirais. Donc, née en Indochine en 1914, morte à Paris en 96, elle a laissé derrière elle une œuvre monumentale, des romans, bien sûr, L'Amant, vous en avez parlé, des pièces de théâtre, beaucoup. Elle a aussi fait du journalisme à sa façon, pas du tout de façon orthodoxe. Il y a deux livres qui rassemblent toutes ses entrevues. Bien, évidemment, plusieurs films, encore là, très hors norme. Ses livres sont traduits dans 35 pays. Ouais. Elle est sans cesse rééditée. Et je vous dirais que c'est une voix les plus novatrices du 20e siècle en littérature. Et quand on la lit, on entend cette voix très particulière. Et cette voix, c'est d'abord une manière de parler. C'est le style Duras surtout ou c'est un univers aussi? C'est les deux. C'est les deux. Duras, c'est le désir, l'absolu, la passion, la folie, l'incommunicabilité, la mémoire, l'oubli, la mort. Ça tourne toujours autour de ça. Donc ça, c'est vraiment l'univers de Duras. On a l'impression qu'elle parvient vraiment à mettre des mots sur l'indicible. Ouais. Et bien sûr, son style, mais vraiment reconnaissable. Petite phrase courte, style de plus en plus épuré au fur et à mesure qu'elle vieillit. Souvent, l'emploi du conditionnel, l'emploi du « vous ». Vous seriez assis dans cette pièce, vous diriez telle chose. Donc, cette distance en même temps, mais en dessous de cette distance, il y a un lyrisme à Duras. Et c'est pour ça qu'elle a été tellement imitée, pastichée et même, je dirais, décriée, en quelque sorte. Un petit mot sur ses origines, parce que son Goncourt, après tout, l'amant, c'est un clin d'œil à cette jeunesse qu'elle va passer en Indochine, comme on disait à l'époque. Parlez-nous un petit peu de cette enfance, Donc, elle est née en Indochine. Ses parents étaient instituteurs français, donc sont allés tenter l'expérience coloniale, sont allés enseigner là-bas. Elle a deux frères un petit peu plus âgés qu'elle. Et quand elle a 4 ans, son père meurt. Donc, la mère se retrouve avec 3 enfants sur les bras. Peu à peu, elle déménage, elle s'en va dans une petite bourgade qui s'appelle Sadec, en banlieue de Saïgon, si vous voulez. Elle devient institutrice là-bas, mais elle n'arrive pas financièrement et elle a un peu d'économie qu'elle investit pour acheter une terre au Cambodge, pour en faire une rizière. Mais cette terre-là va s'avérer incultivable. Elle va se rendre compte qu'elle s'est fait avoir par l'administration coloniale et elle va être complètement ruinée et elle va en venir, si vous voulez, un peu à la folie, à bout de ressources. Donc, Duras parle de ça dans l'amant, mais elle en parle d'abord dans son roman Un barrage contre le Pacifique dans les années 50 aussi. Donc, la mère, la folie, elle en fait un personnage tragique, si vous voulez. Et elle part, Duras, donc elle quitte cette Indochine assez jeune. Elle n'a pas 18 ans encore quand elle débarque à Paris. Voilà, donc elle s'en va en fait poursuivre ses études qu'elle a commencées à Saïgon. Elle va faire à Paris une licence en droit. Elle va travailler un moment pour le ministère des colonies. Et puis c'est là que, peu à peu, elle va en venir à rencontrer son premier mari, Robert Anthelme, qu'elle va marier en 1939. Elle va d'ailleurs avoir un enfant de lui, un enfant mort-né. Et toute sa vie, elle va dire qu'elle est incapable de faire le deuil de cet enfant-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'installe dans un petit appartement au cœur de Saint-Germain-des-Prés, au 5 de la rue Saint-Benoît, où Duras est morte, d'ailleurs. Donc, elle a vécu là toute sa vie. Et pendant des années, à partir des années 40, donc, il y a toute sorte d'intellectuels et d'écrivains qui défilent là. Ils forment des groupes aussi. Le groupe de la rue Saint-Benoît, elle va lutter avec eux contre la guerre d'Algérie, entre autres. Donc, c'est un appartement qui est devenu mythique. Mais on parlait de Robert Anthelme. Après avoir rencontré Robert Anthelme, elle rencontre celui qui va devenir son amant et son deuxième mari, Dionys Mascolo, qui est éditeur chez Gallimard. Et ce qui est intéressant, c'est que Anthelme et Mascolo vont devenir super amis, vont être soudés toute leur vie, même si Duras est la femme d'Anthelme. Il laisse sa femme libre et ils vont vivre pendant des années dans le même appartement, tous les trois. Et c'est tous les trois qui vont décider de s'embarquer dans la résistance auprès de François Mitterrand. Et là, Robert Anthelme va être pris par la Gestapo, va être envoyé à Dachau. Et là, Duras va être vraiment dans l'angoisse totale. Ouais. Entre-temps, elle va sympathiser avec un gars de la Gestapo qui a arrêté son mari. Elle va avoir une relation assez trouble avec lui. Bon, finalement, c'est François Mitterrand qui a été envoyé pour libérer les camps, qui va trouver Robert Anthelme, qui va le ramener chez Duras. Incroyable. Et peu à peu, ça va lui prendre une année avant de vraiment se remettre. Duras a parlé de toute cette époque dans un livre qui est extraordinaire, selon moi, qui s'appelle « La douleur ouais. », où elle raconte l'attente de Robert Antelme sans savoir s'il est mort. Elle le voit mort partout dans les fossés. C'est un livre à la limite de l'impudeur, mais vraiment qui témoigne donc de toute cette époque. Vous parlez de cette époque, donc, de résistance pour elle, pour ses deux comparses. C'est pendant la guerre qu'elle va publier ses premiers romans. C'est aussi à ce moment-là, Daniel Lorrain, qu'elle choisit son nom de plume. Tout à fait. Donc, en fait, son nom, c'est Marguerite Donadieu. Et elle décide qu'elle va s'appeler Duras, parce que Duras, c'est le nom d'une petite localité en France où son père avait une maison. Donc, ouais. c'est un peu en résonance à son père. Et donc, elle va publier son premier roman en 1943, Les Impudents. Donc, très proche de sa situation familiale, très déchirante, avec un grand frère un peu abuseur et tout ça. Il va y avoir... c'est des romans d'abord psychologiques qu'elle publie. On n'est pas encore dans la petite écriture de Marguerite Duras. Ça va venir plus tard. Il y aura un grand succès, vous l'avez évoqué. Son premier grand succès, en fait, c'est dans les années 50, avec Un barrage contre le Pacifique, en 1950. Ouais. Et puis, 58, c'est peut-être là où on va se rapprocher de cette écriture dont vous parliez. Ouais. Un livre important pour elle, Moderato Cantabile. Oui. Alors là, vous savez, Un barrage contre le Pacifique, c'était un gros pavé, un gros roman de facture assez classique. Avec Moderato Cantabile, elle délaisse la vraisemblance psychologique. Il est question d'adultère, de passion. Et donc, c'est vraiment la première fois où elle sort de la psychologie. Et là, elle épure son style. Ouais. Et on y trouve ce qu'on a appelé la musica Duras, une petite musique qui ressort. À l'époque, les critiques disent que vraiment, il s'agit de son premier livre. Ouais. Elle est associée au nouveau roman qui réinvente la littérature. Il y aura un film aussi réalisé par Peter Brook avec Jeanne Moreau qui va tenir... un prix au Festival de Cannes, un prix d'interprétation. Donc, ça fait vraiment date dans l'écriture, l'œuvre de Duras. Hiroshima. Finalement, ce que va dire René, je ne l'ai jamais oublié. Je ne m'en suis jamais éloignée. Il m'a dit, faites comme si vous écriviez un livre. Et après, il m'a dit, faites comme si ce livre étant écrit, vous m'en décriviez les images. Est-ce que ce n'est pas le cinéma qui vous a fait un peu évoluer dans votre écriture ? Il faut plus de silence autour des mots, c'est sûr, ça. C'est certain. C'est certain. La littérature littéraire ne se supporte pas du tout au cinéma, pas du tout, du tout. Il faut vraiment arriver à l'os, quoi, là. Au plus pauvre de la France. C'est là que la force se tient. La nuit, ça ne s'arrête jamais à Hiroshima. Jamais, ça ne s'arrête à Hiroshima. Marguerite Duras à l'émission Documents en 1979, avec un extrait, bien sûr, d'Hiroshima, mon amour. C'est en 59 que Duras, Daniel Lorrain, va signer le scénario du film d'Alain René, Hiroshima, mon amour. C'est un film qui est marquant pour tout le monde, mais pour elle aussi. Pourquoi? Tout à fait. Bien, d'abord, parce qu'elle décrit une passion amoureuse entre une Française et un Japonais à Hiroshima, après la dévastation après les bombardements atomiques. Donc, c'est un film de guerre, de dévastation, et c'est un film extrêmement charnel, sensuel. Il y a une phrase qui revient comme un leitmotiv où la femme dit « tu me tues ». Tu me fais du bien. Donc, c'est la contraction entre les deux. C'est un film qui va être présenté à Cannes, qui va faire scandale, mm-hmm. parce qu'elle dénonce aussi l'intervention américaine, bien sûr, à Hiroshima. Mais c'est un film subversif qui va aussi connaître, donc, vous l'avez dit, un succès et qui va faire en sorte que Duras aura encore une plus grande reconnaissance grâce à ce film-là. Ouais. Et elle va développer cet art-là du dialogue. Ouais. Donc, très épuré, des phrases qui reviennent comme des leitmotivs. Elle va reprendre ça ensuite dans ses livres, donc, dans son théâtre. Ça change son écriture. Ça approfondit change. Cette épuration qu'elle avait déjà commencé à expérimenter. Elle va reprendre ça aussi dans son cinéma. Donc, oui, tout à fait. Et ça va l'amener au cinéma, mais comme réalisatrice également. Bon, il y aura, entre autres, on entendait un extrait au tout début de la musique d'India Song. Oui. C'est un de ses films, peut-être son film le plus connu, mais oui. comme réalisatrice. Un mot sur Duras, la cinéaste. Ben, en fait, elle s'est lancée dans la réalisation au cours des années 60. Elle le disait un peu plus tôt au début de l'émission. un peu parce qu'elle était, entre guillemets, en panne d'écriture, mais en fait, ce qu'elle disait à l'époque, c'est qu'elle était insatisfaite des adaptations qu'on faisait de ses romans. Mmh. Entre autres, il y avait eu une adaptation d'Un barrage contre le Pacifique qu'elle n'avait pas nécessairement appréciée. Elle avait signé un film en 69 à partir d'un de ses livres qui s'appelait « Détruire, dit-elle ». C'était sur la destruction du couple où elle s'opposait en ennemi de tous les pouvoirs, l'État, la police, l'Église, l'université, donc dans la foulée de mai 68. Et donc, bon, vous l'avez dit, en 75, India Song, avec Delphine Seyrig, Michel Lonsdal, un film culte, très lent, avec le traitement très particulier des voix off, oui, extérieures au récit. Donc, sa façon de faire des films était expérimental, ouais, très personnel. Il y a toujours un décalage entre le texte, l'image, la voix off est omniprésente. En fait, elle le dit elle-même, elle fait de l'anti-cinéma, à tel point qu'en 81, elle va faire dans L'Homme Atlantique son film, elle va dire c'est la mort du cinéma et pendant une grande partie du film, l'écran est noir et on n'entend que sa voix. Arrive 84, l'année de la consécration pour Duras, on lui remet cette année-là le prix Goncourt. Des années après la guerre, après les mariages, les enfants, les divorces, les livres, il était venu à Paris avec sa femme, c'est donc l'amant. Il lui avait téléphoné. C'est moi. Elle l'avait reconnu dès la voix. Il avait dit, je voulais seulement entendre votre voix. Elle avait dit, c'est moi, bonjour. Il était intimidé, il avait peur comme avant. Sa voix tremblait tout à coup. Et avec le tremblement, tout à coup, elle avait retrouvé l'accent de la Chine. Il savait qu'elle avait commencé à écrire des livres. Il l'avait su par la mère, qu'il l'avait revue à Saïgon. Et puis il lui avait dit. Il lui avait dit que c'était comme avant, qu'il l'aimait encore, qu'il ne pourrait jamais cesser de l'aimer, qu'il l'aimerait jusqu'à sa mort. Est-ce que vous, sur votre lit de mort, vous aurez une pensée pour l'amant? Le premier? C'est possible. C'est possible. Marguerite Duras, à l'émission de Bernard Pivot, apostrophe, entrevue devenue légendaire, le 28 septembre 1984. L'amant, donc, qui remporte Daniel Lorrain en 1984, le prix Goncourt. Ce roman-là va connaître un immense succès. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il est... En fait, parce que c'est son histoire à elle qu'elle, ouais, raconte. D'ailleurs, Pivot le disait, bon, il est question, le cœur, c'est l'amant chinois qu'elle rencontre à 15 ans, qui est très, très riche, avec qui elle va découvrir la jouissance et qui, dans le fond, va rester présent à sa mémoire toute sa vie. Et c'est pas pour rien que Duras a tellement écrit sur la passion amoureuse, sur le désir. Donc, c'était là dès ses jeunes années. Et c'est de tout ça dont elle parle dans L'Amant. Elle parle aussi de sa mère folle, de son grand frère voyou. Elle parle de l'Indochine de l'époque, de son petit frère qu'elle adorait. Donc, toute sa mythologie personnelle prend là en feu, je dirais, ouais, dans L'Amant. C'est un livre absolument envoûtant. Vous savez qu'avec le barrage contre le Pacifique en 1950, elle était finaliste au Goncourt. Elle a vraiment échappé de près le Goncourt. Et là, à 70 ans, avec ce livre-là, elle obtient un succès avant même, en fait, qu'elle ait le Goncourt. Parce que quand elle est avec Pivot, c'est avant qu'elle ait le Goncourt. Ouais. C'est en septembre. Elle aura le Goncourt en novembre. Et en septembre, quand elle va chez Pivot, après 4 semaines, son livre est déjà un succès de librairie comme elle n'en a jamais connu. 100 000 exemplaires de vendus, ouais, en 4 semaines. 1984 et les années 80, il faut quand même, sur le plan personnel... Il faut quand même en glisser un mot. À quoi ressemble cette décennie pour Marguerite Duras? En fait, c'est parce qu'il y a eu un tournant majeur d'abord en 1980, parce qu'il y a un jeune garçon qui s'appelle Ian Andrea, un jeune homosexuel qui a été séduit par son œuvre et sa vie à elle et qui donc débarque chez elle dans sa maison des Roches Noires à Trouville au bord de la mer. Il ne va pas la quitter jusqu'à sa mort. Quand il débarque, elle a 66 ans, il en a 27, 28. Donc, il va la suivre. D'ailleurs, il va lui survivre pendant 18 ans, tant bien que mal, je dirais, parce qu'il va finir par se suicider, ouais, en 2014. Pendant ces années-là, il lui sert de tout, entre autres de secrétaire. Elle boit du matin au soir. Ouais. Et donc, souvent, c'est lui qui tape ses textes à la machine parce qu'elle en est incapable. C'est une relation orageuse. D'ailleurs, lui, il va écrire, à un moment donné, un livre après la mort de Duras, Cet amour-là, qui va être porté au cinéma, ouais, où il dit qu'elle le vampirisait, mais qu'il était incapable de ne pas revenir à la pension Duras, c'est-à-dire de revenir vers elle. Piégé par Duras. C'est déjà le moment de parler de l'héritage de Marguerite Duras. Et évidemment, ça nous ramène forcément à L'Amant. a été attribué au troisième tour de scrutin à Marguerite Duras. C'était le 12 novembre 1984. L'Académie Goncourt venait de couronner non pas un jeune talent, mais un écrivain confirmé. Confirmé et pourtant ignoré du grand public. L'essentiel de son œuvre, Marguerite Duras l'avait déjà écrite, mais cette chronique de son enfance au Vietnam devait avoir un tout autre destin. Nous avons discuté, nous avons réfléchi, parce que c'était la première fois que le prix allait à une septuagénaire. Elle avait juste 70 ans, Duras. Mais nous nous sommes aperçus qu'au fond, il n'avait jamais été question d'elle pour un grand prix. Elle n'avait jamais frôlé un grand prix. Elle avait fait son œuvre comme sur une route parallèle à celle des récompenses importantes ou officielles. De sorte qu'elle jouissait d'une espèce de virginité par rapport à cela. 2 millions d'exemplaires, 43 traductions étrangères, L'amant fait un triomphe et amène à Marguerite Duras un public qui sera profondément marqué par cette découverte au point de s'en souvenir encore plus de 10 ans après. Un jour, c'était en septembre 84, je suis rentrée dans une librairie et j'étais attirée par ce livre. Alors je n'avais jamais vraiment lu de livre de Marguerite Duras et tout de suite celui-là j'ai eu envie de le saisir, je ne sais pas pourquoi. Et en fait à partir de L'amant de Marguerite Duras, j'ai relu tout Marguerite Duras parce que pour moi c'était comme une découverte, j'ai découvert un écrivain. Extrait d'un reportage d'Olivier Sio diffusé à la télé française au moment de la mort de Marguerite Duras en mars 1996. L'amant, le Goncourt de 1984, Daniel Lorrain, ça change tout pour Duras. Ben, tout à fait. Écoutez, c'est L'amant et le Goncourt ont fait de Marguerite Duras l'un des écrivains vivants les plus lus à l'époque. Duras, d'ailleurs, aimait dire que grâce à L'amant, elle était devenue une star mondiale. Ouais. ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est son livre aussi le plus accessible. Ouais. Hein? Donc, le plus facilement lu par un large public. Et c'est comme ça qu'elle a conquis aussi sa popularité. Et les puristes, d'ailleurs, lui ont reproché d'avoir écrit justement un livre pour le grand public. Mmh. Alors que c'est vrai que jusque-là, ses livres étaient un peu plus pour un public un petit peu plus... disons, élitiste en quelque ouais. sorte. Mais la porte d'entrée, on l'entendait bien à la fin du reportage, pour plein de lecteurs, de lectrices, ça commencera avec L'amant. Tout à fait. Puis ça débouchera sur tout le reste. Oui, il y a eu le film aussi de Jean-Jacques Haneau, qu'elle a par ailleurs renié parce qu'elle a dit que c'était pas à la hauteur de son livre L'amant. Mais bon, écoutez, ce qu'on constate en tout cas, c'est que Duras nous laisse donc en héritage sa mythologie personnelle, une œuvre immense, incomparable par son style. Ouais. On constate, plus de 20 ans après sa mort, que son œuvre lui survit. Et ouais. ça, c'est important. Elle est rééditée partout dans le monde. Elle est jouée au théâtre. Elle est étudiée dans les collèges. Elle est entrée en Pléiade, dans la Pléiade, il y a quelques années. Et son influence est considérable. Elle a influencé beaucoup d'écrivains en France. Bien sûr, on pense à Christine Angot, Camille Laurence, Annie Ernaux. Mais au Québec aussi, Louise Dupré, Denise Hézotel, Nelly Arcand. Ouais. Donc, un peu partout aujourd'hui, de jeunes écrivains continuent à la lire et continuent de se réclamer de Duras. Daniel Lorrain, c'était un bonheur de vous recevoir. Journaliste littéraire, auteur entre autres du livre Duras, l'impossible. Vous avez aussi dirigé, je le rappelle, l'ouvrage Lettres à Marguerite Duras. Merci infiniment. Merci Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.